بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, une nouvelle série, sauf que cette fois-ci, ça ne sera pas une série de cours, mais une série de fatwas. On va voir ensemble, inshallah, régulièrement des fatwas de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, sur certains sujets. Et donc ici, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, qui est interrogé. إِذَا كَانَ الْإِنسَانُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ عَطَسَ فَهَلْ يَحْمَدُ اللَّهِ سَوَاءً كَانَتْ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً. Lorsque l'individu est en prière, puis a éternué, alors est-ce qu'il va louer Allah? Est-il permis donc de louer Allah durant la prière? Peu importe que cette prière soit une prière obligatoire ou surérogatoire. L'imam Ibn Baz rahimahullah répond à cette question en disant « Na'am yushra'u lahu an yahmed Allah » Oui, il lui est légiféré de louer Allah. Donc la personne qui éternue en salat, il lui est permis de louer Allah pendant la prière. Elle répond, donc après avoir éternué, elle dit « Alhamdulillah » لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يحمد الله بعد عطاسه في الصلاة فلم ينكر عليه. Et donc il explique cela à l'imam Ibn Baz rahimahullah. Il nous dit car il a été rapporté de manière authentique que le prophète صلى الله عليه وسلم a entendu quelqu'un louer Allah après avoir éternué pendant la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas reproché cela. Bel kol, le kod ra'aytu kaza wa kaza min al malaika kulluhum yabtadiruna ayyuhum yaktubuha. Et donc il dit, mais au contraire, le prophète il n'a pas fait le reproche. Mais au contraire, il a dit, certes, j'ai vu tant et tant d'anges, chacun d'entre eux, donc j'ai vu tant et tant d'anges, chacun d'entre eux accourait, lequel d'entre eux sera le premier, lequel d'entre eux va écrire cela, lequel d'entre eux va écrire cette bonne action, que la personne a loué Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il dit le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, wali anna hamdallah min jinsi zikri salat. Il dit le shir, car le fait de louer Allah, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il avait cité aussi un propos similaire à cela. Le fait de louer Allah fait partie des termes de la prière. Le fait de louer Allah fait partie donc des actes de la prière et n'est pas contraire à la prière. Donc ça c'est important, barakallahu fikoum. Donc oui, il est permis à une personne qui a éternué durant la prière de louer Allah Azza wa Jal, de dire Alhamdulillah pendant la prière. Tayyib, une personne a éternué durant la prière et elle n'a pas, ou du moins elle a loué Allah Azza wa Jal. Elle a dit Alhamdulillah. Est-ce qu'il nous est permis à nous de lui dire Yarhamukallah? Est-ce qu'il nous est permis à nous de dire ça? Et donc, barakallahu fikum, la réponse, dans une autre fatwa, le Cheikh Ibn Baz, il dit non. Dans une autre fatwa, le Cheikh Ibn Baz, il dit non. La personne, elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ceci est une parole que les gens vont se dire entre eux. Yarhamukallah. Qu'Allah te fasse miséricorde. Donc c'est une parole que les gens vont prononcer lorsqu'ils discutent entre eux. Qu'Allah te fasse miséricorde. Yarhamukallah. Ce n'est pas comme le fait de dire Alhamdulillah. Les louanges reviennent à Allah. Ceci fait partie des termes utilisés durant la prière. Lorsque tu commences ta récitation de l'Fatiha, tu commences en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Par contre, dans ta prière, tu ne dis pas, à aucun moment tu ne vas dire durant ta prière Yarhamukallah. Et donc le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit que lorsqu'on entend une personne dire cela durant la prière, on entend une personne dire Alhamdulillah durant la prière parce qu'elle a éternué, on ne va pas répondre. Il dit le Cheikh Ibn Baz, par contre, tu peux donc répondre en toi-même. Le fait de dire Yarhamukallah, mais en toi-même. C'est-à-dire, donc tu ne le prononces pas cela. Tu ne le prononces pas. Voilà pour cette fatwa. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك